fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique, Daniel à votre compagnie, pour vous présenter la cerise sur le gâteau, c'est le numéro 36, un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, et même des tubes de demain, avec deux animateurs pour cette émission, avec Dominique, bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Et Serge, bonjour Serge. Bonjour Daniel. Je peux terminer? Oui Dominique. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Bonjour Dominique. Bonjour. Allez. Serge. Salut à tous. Un jury neutre et sans pitié qui classe les titres de l'émission. Et sans plus tarder, les résultats de l'émission précédente, c'était la cerise sur le gâteau numéro 35, il y a 15 jours. Alors, une médaille de bronze pour Philippe Clay, le danseur de Charleston. On l'écoute ? Oh bah oui. Une toute nouvelle chanson de Jean-Pierre Moulin, le danseur de Charleston. Un gentleman un peu noir à une poule dans un bar offrait champagne et caviar et on trouverait sa mémoire. Ce gentleman dans son frac disait poupée si je claque je veux que ce soit dans un lac. Un lac de cognac, écoute-moi bien. J'avais 30 ans, écoute-moi bien. J'étais tentant, je n'avais pas encore de dents en or. Les femmes se battaient pour m'approcher. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves l'air rance. Mais fallait me voir danser au Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Carlton. Ce gentleman un peu noir a tout cassé dans le bar, puis a sorti ses dollars et distribué des pourboires. Ce gentleman dans son frac et dit pianiste, Vladisac. Joue les vieux airs sans entracte. Et joue, et hop, en vrac. Joue-moi Didine. Et j'ai envie d'écouter Didine. Dans le fond, la bonne raison que j'écoute pas Didine, c'est que j'ai envie d'écouter Didine. J'ai toujours aimé écouter Didine. Toujours. Didine. C'est pourtant vrai que tu lui ressembles à ma Titine à moi. Elle s'appelait pas Titine, elle s'appelait Totoche. Et un jour elle est partie. Hop, elle a plus de Totoche. Elle a pu. Elle avait un grain de beauté là. Non, là. Bon, enfin, elle avait un grain de beauté, on va pas se casser le bonnet pour le grain de beauté de Toto. Je dis. Pfff. Toi aussi, t'as un grain de beauté là-dessus. Là. Un grain de beauté, somme Toto. Des nuits entières, on a dansé le Charleston, Toto chez moi. En 1900. Plus fort là, on t'entend pas. Allez, joue. Ici, c'est ça. Pas un rond. Mais vernis nickelé chromé, j'étais. J'avais 30 ans. 30 ans. 30 ans. Plus fort! Charleston, c'est pas la pavane pour l'enfant de défunte. Elle était encore dans l'œuf à cette époque-là. C'est jeune, mais ça joue au mou. Attends, je vais te montrer. Écoute-moi bien, garde la cadence. Écoute-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Il fallait, fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Calda. Dominique, t'es-tu déjà trompé? Bien sûr que oui. Oui, bah t'es pas la seule. J'imagine. Parce que alors figure-toi qu'Edith Piaf, elle se gourre à chaque fois qu'elle chante cette chanson. Médaille d'argent, mon vieux Lucien, Edith Piaf. De Michel Rivgauche et Charles Dumont, mon vieux Lucien. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi, moi j'aime bien rire et rigoler et m'amuser. En vrai, alors ce soir, histoire de rire, et comme ça, sans prévenir, j'ai dit comme ça, sans réfléchir, on va chez Lucien, j'ai dit au copain, quel vieux copain que t'as en moi, mon vieux Lucien, crois-moi. Ça va. Remarquez, je me suis déjà trompée hier. Je vais la recommencer encore une fois parce qu'il faut que je me guérisse de ça, sinon je la chanterai jamais. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi, moi, tu me connais, j'aime rigoler et m'amuser. En vrai. Alors ce soir, histoire de rire, j'ai dit comme ça sans prévenir, je m'ai dit comme ça sans réfléchir, j'ai dit aux copains, on va chez Lucien, quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi, tu peux te vanter lorsque j'y pense d'avoir de la chance. Tu sais, mais tu ne dis rien, tu me laisses parler. Je te connais bien, tu me fais marcher. Moi, ça ne fait rien, tu peux y aller. Mais maintenant, ça va, et dis-moi pourquoi tu fais cette tête-là, comme ça. Mais regarde-moi, t'as les yeux gonflés. Je t'ai réveillé, oh non, t'écrivais à ta bien-aimée. Qu'est-ce que tu caches là, là dans ton tiroir? Eh ben quoi, fais voir. Tu voulais me faire peur. Oh, ce que t'es blagueur. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi, moi je te connais mieux que personne, c'est ce qui t'étonne. En vrai, un autre que moi ne comprendrait pas. Mais moi je devine que tu me taquines. Tu veux peut-être finir ta lettre, je vais te dire aux copains, et puis tu nous rejoins. Quelle chance que t'as, c'est pas pour dire que j'aime bien rire. Crois-moi, un autre que moi aurait marché à ton ciné. Crois-moi, allez au revoir, à tout à l'heure. T'en fais une tête sacrée farceur. Oh non, bien sûr que j'ai pas peur. Toi, y'a pas de danger de te voir un jour souffrir et mourir d'amour. Lucien, eh ben quoi Lucien, donne-moi ce que t'as dans la main. Ah c'est agréable d'être ton copain. Oh non Lucien. Allez, viens. Un duo très en vue. Un duo agréable à écouter, à regarder. Médaille d'or avant toi. Il y avait pas d'image, il y avait pas de couleur, il y avait pas d'histoire, mon âme sort. Il y avait pas les fêtes, mais il y avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sort. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. Très jolies chansons, et bien sûr inutile de les présenter, Vita et Slimane, avant toi. Eh bien tiens, puisqu'on présente tout le monde, moi je vais pas tarder à présenter également notre nouvelle technicienne qui assiste Yves, et c'est Alexa, je l'ai bien dit. Allez, place à la sélection du jour. Henri Salvador et Boris Vian avaient coutume d'écrire des chansons ensemble, et alors ça de façon rapide. Henri Salvador improvisait au piano et Boris Vian écrivait les textes. Alors cette chanson, elle naquit en 1958 et Henri Salvador racontait, je cite, « Enfant, un de mes professeurs aux Antilles nous parlait de nos ancêtres les Gaulois, je trouvais cela très drôle. » Et à partir de ce souvenir, la chanson fut écrite en une demi-heure avec la fameuse mention « Faut rigoler ». Avant que le ciel nous tombe sur la tête, faut rigoler, Henri Salvador. Cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada ne connaissaient que ce refrain-là. Les Gaulois habitaient des huttes en bois et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Les Gaulois prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, dire les Gaulois. Ça, ce truc-là qui se fendait la pipe à tout de bois. Faut rigoler, faut rigoler avant que le ciel ne tombe sur la tête. Faut rigoler, faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois. Le groupe Fauve, connaissez? Oui. Oui. Moi perso, non. Non. Moi perso non plus, mais tu vas me faire découvrir. C'est le moment ou jamais. Bon, de toute manière, il a évolué et il s'est transformé en un projet de musique électronique en français. Et c'est comme cela que le groupe Magenta est né. Et comme dit Daniel, c'est le groupe de demain. Assez est le morceau officiel, mais bien d'autres vont suivre et c'est promis. Assez de Magenta. Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant? We'll be right back. quand même, c'est déjà ça. Ça vaut bien un sourire. Je veux balayer d'un soupir le dard, le mauvais sang. Comme le soleil va rougir dans le jour naissant. Est aujourd'hui l'une des sopranos françaises les plus demandées de la scène internationale. Et elle interprète un foxtrot, d'une danse très à la mode dans les années 30, tiré de l'opérette La Pouponnière. Je ne savais pas que c'était ça, Julie Fuchs. C'était ça, ah quelle drôle d'affaire. Mais quand j'ai su que c'était ça, je me suis laissé faire. On n'a aucune idée de ça avant de le faire. Mais on ne peut plus se passer de ça quand on en fait ça. Ce truc a toujours du charme. Je l'ai fait avec un facteur, un frotteur, un sénateur. Un couvreur et un coureur, un voleur et un gendarme. Je l'ai fait avec l'homme du gaz, avec le négro d'une chose. Et même une société tire, chaque fois ça m'a fait plaisir. Je ne savais pas que c'était ça, et quelle drôle d'affaire. Dès qu'un homme me propose ça, je suis prête à le faire. Et tous ceux qui m'ont fait ça, depuis que c'est le faire, je ne sais pas qui fait le mieux ça, il faut tous mieux ça. Je l'ai fait à la housarde, je l'ai fait au boniment, je l'ai fait au sentiment, et même au raisonnement. Je l'ai fait dans une mansarde, je l'ai fait dans le béton, je l'ai fait. À présent, Daniel, le petit clin d'œil au concours Eurovision. En 1961, la finale de ce concours Eurovision de la chanson avait lieu à Cannes. 9 pays étaient en course, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ouais. Et c'est le Luxembourg qui remportait l'épreuve avec la chanson « Nous les amoureux », interprétée en français par un chanteur français qui s'appelle Jean-Claude Pascal. Et c'est dommage qu'on n'avait pas pris pour représenter la France. Ouais, tout à fait. Mais la France, elle a été représentée par Jean-Paul Mauric pour la chanson de Guy Favreau et Francis Buxter, Printemps, Avril, Carillonne. Il obtint la 4e place sur 9 allez, on va dire moyen. Printemps, avril, carillonne, Jean-Paul Mauric. Bing et bong, écoute dans l'air léger quatre notes sans façon qui vont se promener. Bing et bong et bing et bong, courant par monts et vallées. Elles enivrent de chansons la nature étonnée. Printemps, printemps, avril carillonne, la marmotte se réveille au premier soleil. L'abeille bourdonne, tandis que tous les bourgeons ouvrent leur maison. Le hérisson affûte ses piquants, pas bien méchants. Le pinson joue de la flûte en volant gaiement. Printemps, printemps, le vent tourbillonne, en semant les papillons sur chaque buisson. Bing et bong et bing et bong, dans l'ombre de la forêt, l'araignée du bout de son fil tire les cloches du muguet. Bing et bing et bong, tout en dansant comme un fou. Le ruisseau qui se faufile joue avec les cailloux. Printemps, printemps, avril carillonne, monsieur Blaireau qui dormait sans reprendre le frais. Printemps, printemps, l'allure tatillonne, l'escargot vient se griser d'une goutte de rosée. Et la fourmi s'inquiète, elle n'a plus de provisions, mais la cigale s'apprête à faire une chanson. Printemps, printemps, sur l'eau qui frissonne, une grosse feuille de nénuphar couve des pétards. Printemps, printemps, avril carillonne, l'écureuil joue à cache-cache derrière son panache. Printemps, printemps, le crapaud rayonne, se mirant dans une flaque d'eau, il se trouve très beau. Et la tortue voyage, toute la noce n'attend plus qu'elle, au joli mariage de deux tourterelles. Printemps, printemps, avril carillonne, et moi lorsque je l'entends, j'ai le cœur content, j'ai le cœur content, j'ai le cœur content. Serge. Oui, toi, mon Casanova à moi. Oui. Savais-tu que le chanteur de The Voice, Casanova, semble être prêt à dévoiler son univers au grand public ? Que nenni. Non, je ne savais pas du tout. Tu là, savais je ne suis pas concerné du tout. Eh bien, le candidat corse qui nous avait charmé dans The Voice saison 5 et The Voice saison 7 a longtemps peaufiné la sortie de son premier single, dont il est très fier et pour cause. La base du projet est de donner du bonheur aux gens et le reflet de qui je suis, dit-il. Quel programme. Alors, c'est une chanson qu'on peut qualifier de festive et puis joyeuse. Le titre, c'est « Nos antipodes », Casanova. Allez, mon Casanova. Qu'est-ce que tu donnes? C'est ce que tu me disais toujours. Toi tu fredonnes quand je hurle des mots d'amour. L'amour aussi m'a fait chanter, mais j'en ai perdu la voix. Tu m'as choisi, mais à regret, on n'est pas plus que soi. On n'est pas plus que soi. Peut-être qu'il existe un monde où s'accordent nos antipodes. Où dans mes bras, toi, tu retombes, où nos âmes sont toujours d'accord. Peut-être qu'il n'est pas si loin, dehors juste du chemin, ce serait plus qu'un effet de mode qui s'accorde nos antipodes. Qui s'accorde nos antipodes. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Moi je veux t'aimer jour et nuit, comme une flèche qui transpercerait ma vie. Mais moi la vie elle me fait peur, et l'amour je ne sais pas. Tout ce qui concerne le cœur, je le garde au fond de moi. peut-être qu'il existe un monde. Ça comme nos antipodes, où dans mes bras toi tu retombes, où nos âmes sont toujours d'accord. Peut-être qu'il n'est pas si loin, dehors juste au bout du chemin. Ce serait plus qu'un effet de mode, qui s'accorde nos antipodes. On pourrait joindre les deux bouts, sans faire le tour des choses. Entre nous deux, ça vaut le coup, sur nos bleus de mettre du rose. Peut-être qu'il existe un monde où s'accordent nos antipodes, où dans mes bras, toi, tu retombes, où nos âmes sont toujours d'accord. Peut-être qu'il n'est pas si loin, dehors juste au bout du chemin. Ce serait plus qu'un effet de mode. Peut-être qu'il existe un monde où s'accordent nos antipodes, où dans mes bras, toi, tu retombes, où nos âmes sont toujours d'accord. Peut-être qu'il n'est pas si loin, dehors juste au bout du chemin. Ce serait plus qu'un effet de mode qui s'accorde nos antipodes. Une chanson de 1993, peut-être le tournant d'ailleurs dans la carrière de Patricia Cass, au moment où elle avait envie de s'entendre dire qu'elle était belle. Serge, ça ne te concerne pas encore, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. J'y pense encore pas, non. Oh, non. Il a le temps. Non. Non. Il en a le éternel adolescent. Voilà. Oui, tout à fait. Une chanson signée Bressy, vous connaissez? Tu connais, non. Serge? Moi, non. Daniel, oui. Je connais certainement la chanson, mais je ne savais pas le nom de l'auteur. Et pourtant, tout le monde connaît. S. Bressy n'est autre que Jean-Jacques Goldman. Et il me dit que je suis belle, Patricia Cass. Ça ne me concerne pas non plus. Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombre, restent nos rêves inventés. Il me dit que je suis belle, qu'il n'attend. Les boulevards, cet air qui les rend transparents. Prendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre l'air. Quand-il un soir un moment où l'on se dit c'est plus pour moi, tous les mots bidas. Un bidas désigne de façon familière un simple soldat appelé de conscription, et il s'agit à l'origine d'un nom propre, tiré de la chanson du comique troupier avec bidas, créé par Bach, non pas Jean-Sébastien, un autre, en 1913. Et pour illustrer tout ça, un texte de Louis Bousquet sur une musique d'Henri Malifet. C'est une chanson reprise par de nombreux artistes, dont Fernandel, avec l'ami bidas, Fernandel. Quand je suis parti avec ma classe pour venir y faire mes 3 ans, cousin m'a dit, il y a le fils bidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait ce que m'a dit le cousin, et depuis que je sers la France, bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Ah, avec l'ami bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments, dans les rues on se promène, ça nous évase le temps. Dimanche matin, il y a des bobonnes qui s'en vont faire leur marché. Nous, on en connaît de mignonnes, on va les regarder passer. Pendant qu'elles sont chez la fruitière, de l'autre trottoir, nous les regardons. Puis de loin, sans en avoir l'air, on les suit jusqu'à leur maison. Elle se méfie pas, elle n'y voit rien. Ça fait comme ça, on s'amuse bien. Avec la bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et quand elles sont dans leur appartement, on regarde les persiennes, la nouvelle vase et le temps. On va souvent voir les gorilles au jardin des plantes, c'est curieux. Et devant la cage aux crocodiles, on va passer une heure ou deux. Devant les singes qui font la grimace, pour sûr on a de bons moments. Jusqu'à ce que le gardien y passe et crie en ferme, allez-vous-en. Et comme on peut pas rester là, on dit tu viens bidas, et on s'en va. Avec l'ami bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on dira souvent vrai au régiment. T'en rappelles, dit bidas, hein? On a fait des orgies, on a bien passé le temps. Et maintenant, on est bien loin du petit bonhomme en mousse, des sardines et des serviettes, tiré de son nouvel album Entre nous. Patrick Sébastien lance un véritable appel à la bienveillance, à la tolérance et à la fraternité. Et c'est pourquoi nous allons écouter « Et si » de Patrick Sébastien. Et si. « Et si on s'attendait, et si on s'attardait, et si on s'entraidait, si on s'accompagnait, et si on se penchait sur celui qui est tombé, d'abord pour le soigner et pour le relever. Et si on essayait, et si on s'efforçait d'apprendre à se connaître avant de se défier, et si on accordait à toute différence la même compassion et la même indulgence. Et si on se disait qu'à partir d'aujourd'hui, on met d'autres étoiles dans le ciel de nos nuits, des secours, des cadeaux, des soutiens, des bienfaits, pour se coucher heureux et s'endormir en paix. Et si on était beau, je veux dire beau dedans, l'esthétique à soigner de nos bons sentiments, on passe tant de temps le regard dans la glace, l'âme mérite bien autant de face à face. Et si on était jeune, je veux dire même vieux, du berceau au cercueil, garder les mêmes yeux, le regard d'un enfant s'émerveille d'un rien. Et si on trouvait grand même ce qu'il est moins? Et si on pardonnait quand on nous a menti? Et si on pardonnait quand on nous a trahi? La punition serait de rendre coup pour coup, mais la clémence est sage et les bourreaux sont fous. Et si? Et si on regardait tout l'or de son voisin, sans le moindre dépit qu'il ne soit pas le sien? Si on ne condamnait personne en aucun cas, si on se contentait de ne juger que soi? Et si on oubliait de se mettre en colère, si on foutait la paix à nos envies de guerre, pour faire une caresse ou pour tendre une main, il faut bien moins d'efforts que pour serrer le poing. Si au lieu de courir, on s'arrêtait un peu pour reprendre du souffle et pour attendre ceux qui suivent à petits pas, presque au bout du rouleau, les aider à marcher, les porter s'il le faut. Et si? Et s'il ne suffisait pas seulement de le dire, et s'il ne suffisait pas seulement de l'écrire, et si on décidait de faire dès demain le premier pas vers l'autre pour lui tendre la main, et si on faisait mieux que le mieux que l'on croit, et si même attentif on allait au-delà, et si on était bon plus que de temps en temps, et si on apprenait à s'aimer à plein temps? Et si on était bienveillant? Et si on était bienveillant? Bienveillant. Daniel, écoute, honnêtement, merci de nous avoir fait découvrir ce titre, parce que ça ne ressemble pas à du Patrick Sébastien non, classique. Non, on est loin du petit bonhomme en mousse et des serviettes. Hein. Ouais, ouais. Très belle chanson. Alors maintenant, on se projette en 1972. À cette époque, sur les radios, une chanson accrochait tous ceux qui l'écoutaient en moins de 3 mois. C'était plus d'un 1 045 000 tours qui étaient vendus. C'est l'histoire de tous ces ados et jeunes adultes qui découvraient le monde et l'amour. Ah, ils s'en souviennent encore. Que de souvenirs, Daniel. Écrite cette chanson par Pierre Delanoë, composée par Michel Fugain et bien sûr interprétée par le fameux et fabuleux Michel Fugain, Big Bazar. C'est une belle histoire, Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.

On m'a dit profite bien de ton bonheur parce que c'est pire après. Je me dis que finalement la vie est pas mal quand on la prend du bon côté. C'est pas la guerre, j'ai pas de gilet pare-balles, j'ai la santé et deux trois politiciens pour me représenter. Je savais qu'un jour je serais grand, mais je m'imaginais pas comme ça. Je me voyais bien super-héros, président. Passe le temps, je suis pas du côté des gagnants. Je crois que c'est bien mieux comme ça. Je laisse couler, je me détends. Le jour où j'ai compris que jamais, jamais, jamais, non, je n'atteindrai jamais, jamais, jamais, non, le haut du panier, j'ai décidé de devenir premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Une rengaine peut être une magnifique chanson de toujours, c'est certain. Dans la version présentée aujourd'hui, ce qui est original, c'est le duo composé de Zaz et de Gérard Lenormand. La balade des gens heureux, Zaz et Lenormand. Notre vieille terre est une étoile. Tu brilles un peu, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade. Première page, tu peux écrire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter. On vient te chanter la balade, la balade comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 36, consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Alexa, merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouverez le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fadjet Nancy et la liste des chansons se trouve sur la page Facebook de l'émission. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous espérons fidèles à Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Et en attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fadjet Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net, Radio Fadjet en ligne pour les autres Européens. Voilà, nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir, bye bye.